Cari amiche, cari amici, benvenuti, benvenute a Bruxellando a Radio Alma e sono veramente contenta perché ricominciamo la nostra stagione radiofonica. Questa è la prima puntata di Bruxellando per la stagione 2013-2014, quindi ringrazio per tutti coloro i quali ci hanno scritto in questi mesi proponendoci possibilità di interviste. Eccoci nuovamente qui, quindi ad uno risponderemo a tutte le vostre email. Bruxellando non cambia, l'equipe è sempre la stessa, quindi Maridì ai microfoni e Dani M in regia per la parte tecnica Buona serata a tutti. e i nostri Giorgio e Fiordaliso che sono bloccati da questo tempo che oggi sembrava meraviglioso, sembrava una splendida giornata di primavera e invece si conclude con una pioggia, oserei dire, scrosciante. Iniziamo con degli eventi, iniziamo direttamente la nostra puntata perché abbiamo due ospiti, anzi tre, due in studio e uno al telefono, e quindi inizierei immediatamente, poi più tardi vi racconterò magari tra un evento e l'altro quelle che saranno le novità di Bruxellando. Cominciamo in francese, quindi ora cambierò e non vi stupite, anche lo sapete che il francese non mi piace molto come lingua radiofonica, almeno nel mio caso, però come sapete ce la metterò tutta per soddisfare anche i nostri amici francofoni all'ascolto. Donc, je vais changer de langue et je suis très contente parce que ce soir, on a l'opportunité de parler des événements qui sont liés strictement liés, je dirais, aux citoyens, donc aux activités des citoyens. Et je vais en parler avec Véronique Loire et avec Michel Bastin. J'ai eu l'occasion de rencontrer Véronique Iliana pour les projets qui étaient consacrés aux jeunes européens au cœur de l'Europe commune. Et en fait, moi, j'étais aussi interviewée pour ma commune, qui est la commune d'Ixelles. Et à ce moment-là, avec Véronique, on a déjà parlé de pas mal d'événements organisés par la commune de Terbeek. Mais ce soir, on va parler d'un projet un peu plus large, qui est la démocratie locale, qui a consacré déjà pas mal d'activités à Bruxelles, à Terbeek et dans notre commune, notamment Anderlecht, pendant les 8 et le 21 octobre, mais il y a d'autres communes qui poursuivent aussi le 26 octobre. Et ce soir, en fait, nous allons parler de l'apéritif solidaire. Avant de traiter cet argument-là, je dirais que si Véronique est d'accord, nous allons un peu parler de la démocratie locale, quand ce projet est né et quelles sont les activités principales. Véronique, je te souhaite la bienvenue à Bruxellando. Merci, bienvenue à vous tous également. Alors en fait, moi je travaille dans une commune, Etterbeek, comme on l'a dit, et je suis coordinatrice de ce qu'on appelle la Semaine européenne de la démocratie locale. Après, je vais dire SEDEL, ça fera plus court. Donc c'est une opération, comme il y a beaucoup des semaines, des mois, etc., de ceci ou de cela. C'est une semaine qui est initiée en fait par le Conseil de l'Europe qui compte 47 pays membres. Et donc, qui est c'est pas une institution européenne comme la Commission européenne ou le Parlement, par exemple. Donc, on peut dire qu'autour du 15 octobre chaque année, on stimule les autorités locales, ici en Belgique, ce sont les communes ou les régions, à mettre en avant des activités de participation citoyenne où les citoyennes peuvent s'exprimer. Et donc c'est aussi, il y a deux buts, c'est à la fois pour l'autorité locale de d'aider les citoyens à mieux connaître les institutions locales, mais aussi d'encourager les citoyens à l'exercice de la démocratie locale. Et donc Bruxelles, depuis 2008, participe à cette activité, donc les 19 communes et certains CPS. L'année passée, comme on l'a rappelé, nous on a collaboré notamment avec Ixelles pour des interviews, expositions qui ont abouti à un livre sur l'expression des jeunes expats européens dans nos communes d'Ixelles et d'Etterbeek. C'était une activité conjointe. Donc chaque année, donc chaque commune conjugue de manière différente et originale cette thématique de la démocratie locale. Et donc cette année, le thème, ben, il est assez ambitieux, je trouve, puisque c'est participer. Attends, si je retrouve. Bon, participer Je l'avais vu. Alors, c'est partager, participer, oui. Voter, la citoyenneté active. Exactement. Mais vous savez aussi, comme moi, qu'il y a les élections européennes en 2014 et qui plus est, en Belgique, il y a les élections régionales et les élections fédérales. C'est tout un programme. Oui, ça et donc, nous, on a, en fait, ce qu'on a fait à Eturbeek, c'est qu'on a accueilli une activité commune. Ça s'appelle activité 12 étoiles. Donc, c'est les 12 cités assez actives dans le domaine qui élaborent des activités communes. Et donc, le 8 octobre, on a eu l'occasion de mettre ensemble de jeunes élus des communes bruxelloises, des élus de régions ou d'entités locales de pays proches, bon, avec toute une série d'intervenants. Et donc, il y avait également des jeunes et on débattait de la question, justement, qu'est-ce que c'est, comment les jeunes élus plus particulièrement peuvent communiquer avec les jeunes citoyens et non seulement les sensibiliser à l'exercice démocratique sous toutes ses formes, y compris bien entendu le vote, mais aussi comment les jeunes élus peuvent faire pour être plus à l'écoute des jeunes citoyens et de transmettre leurs revendications. Comment citoyens et élus peuvent-ils dialoguer? Voilà. Et qu'est-ce qu'il est ressorti de ces débats? Est-ce que vous avez eu des conclusions plus actives ou encore des propositions, des intentions plutôt que des actions concrètes? Il y a eu en tout cas un échange d'idées très intéressant puisqu'il y avait plus de 20 participants autour de la table. Et je dois dire que j'ai trouvé les jeunes élus très, très dynamiques. Et en fait, on s'est posé la question de la façon de communiquer avec les jeunes. De l'importance d'expliquer les processus décisionnels au niveau politique local, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour le citoyen de comprendre et de participer tous ces processus là. Et alors je crois qu'on est arrivé à l'idée que les jeunes élus devaient se rencontrer entre eux pour justement élaborer des meilleures façons de communiquer. Et parce qu'ils sont encore jeunes ou sortis de la jeunesse, hein. Il y avait des élus qui avaient 20 ans, 21 ans. Et donc, ils se rendent bien compte que la préoccupation première des jeunes n'est peut-être pas de voter. Si les jeunes aiment participer, il faut leur donner les moyens de participer. Par quel biais on peut aussi organiser des rencontres avec les jeunes pour les écouter et rapprocher le pouvoir local des citoyens et ici en particulier des jeunes. Moi, voilà. En fait, si je peux ajouter, je trouve que le mot partager, c'est bien, ça explique bien en fait aussi les liens actifs qu'il y a entre ceux qui sont candidats et ceux qui en fait doivent les voter. Ça, c'est un lien qui est très important. Mais il y a encore d'autres activités, parce qu'il y a des activités qui sont terminées, mais il y a par exemple encore la Semaine de la Solidarité, qui en fait vient de se clôturer le 18 octobre, mais il y a encore le mois de la solidarité internationale. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à propos de ça? Oui, en fait, le mois de la solidarité internationale, c'est un mois où sont mis en avant des activités par des citoyens interbécois, mais aussi des associations dont font partie ces citoyens. Et donc, c'est une mise en avant d'une série d'initiatives, à la fois de sensibilisation, mais aussi de fêtes. Et donc, par exemple, nous allons avoir le 9 novembre, avec toutes ces associations, une fête du monde, où on va essayer de montrer les actions de chacun et puis de partager joyeusement autour des thématiques des rapports Nord-Sud. Mmh. Et donc, voilà, citoyens au sein des associations s'associent avec le service de la solidarité internationale à Eturbeek pour une série d'activités, qu'elles soient festives, repas ou de sensibilisation. Ouais, et aussi, il y a un film aussi, le 26 octobre. Donc, c'est un événement à ne pas rater du tout. Et encore une question, comme ça on termine et on passe la parole à Michel. Les défis de l'alimentation durable, parce que vous êtes aussi en train d'organiser pendant 6 mois, en fait, des moments où certaines familles pourront régulièrement acheter, cuisiner, manger durable au quotidien. Voilà. Ça, c'est une initiative du service du développement durable d'Eturbeek. Et alors, en fait, je crois que leur but, c'est de prouver dans les faits que des familles, toutes sortes de familles de niveaux sociaux différents peuvent se nourrir de manière durable avec des produits sains, par exemple issus de l'agriculture biologique, et pour pas cher, parce que on a constaté qu'une des idées ou un des freins que beaucoup de gens disaient, c'est que c'était cher, c'était compliqué, c'était long. Donc en fait, les familles sont un peu coachées de différentes manières, et on va les aider à cuisiner chez elles d'après leurs envies et leur culture aussi. Et donc c'est la deuxième fois qu'il y a une activité de cette sorte qui s'organise à Etterbeek, parce que si vous le constatez, à Etterbeek, sur cette semaine, on a beaucoup mis l'accent notamment sur l'alimentation. En fait, c'est un thème qui est central aussi pour le Festival des Libertés, qui est en train de se poursuivre jusqu'au 26 octobre. Et samedi, justement, il y avait aussi un documentaire consacré à Carlo Pitrini, qui est le président et fondateur du mouvement Slow Food en Italie, qui maintenant, c'est plus un mouvement italien, mais c'est global, parce qu'il est un peu partout dans le monde. Et là, les défis de l'alimentation étaient clairement au centre du débat. Véronique, avant de passer la parole à Michel, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux ajouter, peut-être sur les projets à venir, sur les futurs, sur certaines activités, des choses qu'on peut déjà annoncer? Ben, l'opération va recommencer l'année prochaine, mais je dirais que c'est une mise en lumière d'événements qui se passent pour le moment, parce qu'il y a énormément de choses. Mais l'exercice de la démocratie locale, tant du point de vue des élus locaux que des citoyens, ben c'est tout le temps. Donc, c'est pas parce qu'il y a une semaine de la démocratie locale qu'il faut arrêter. Il faut toujours continuer. Et je crois qu'il y a un effort de communication à faire, aussi bien de la part des élus, qui doivent être plus proches des citoyens, mieux expliquer, mieux sensibiliser, que de la part, et aussi créer des techniques de participation. Et alors, pour les citoyens, il y a toujours un effort de s'informer. Alors, dans le domaine de l'information et de la sensibilisation, je voulais aussi signaler qu'il y a un espace Sangor, le 26 aussi, un film et un débat. Le film s'appelle Canning Paradise. Et en fait, c'est dans le cadre également des activités du CNCD 1111, c'est du groupe local du CNCD. C'est dans le cadre d'une campagne sur le droit à l'alimentation. Et voilà, donc c'est un très beau film. Gratuit, on peut l'ajouter. C'est gratuit, c'est à l'espace Sangor 366 Chaussée de Wavre, le samedi 26 octobre à 18h30. Et ça traite notamment des méfaits de l'hyper-industrialisation, dans ce cas-ci la pêche au thon, qui empêche les personnes qui vivent là-bas, les citoyens, les pêcheurs d'abord d'exercer convenablement leur activité, et même aux agriculteurs d'avoir assez de terre pour se nourrir décemment. Et donc voilà, donc c'est un film que je conseille à tout le monde. En plus, il y aura un débat avec une personne ressource du CNCD, de bonnes choses durables à grignoter, et voilà l'occasion de partager aussi autour d'un verre et d'un petit slow food de l'amitié. Voilà. Oui. Et pour plus d'infos, vous pouvez vous adresser à l'adresse email jetmo.etterbeek@gmail.be. Donc, Véronique, nous te remercions, et donc nous Merci. Allons passer la parole à Michel, qui est formateur chez Échange de Savoir. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos d'Échange de Savoir? Oui, donc le réseau d'Échange de Savoir, donc l'idée est bien simple, donc c'est un projet de solidarité entre les personnes, qui donc où chacun est en fait offreur et demandeur d'un savoir. Donc ça peut être aussi bien aider quelqu'un dans l'apprentissage d'une langue que une recette de cuisine, que des techniques de bien-être, d'artisanal, etc. quoi. Donc voilà, donc ça c'est en gros le principe du réseau d'échange de savoir. Donc on considère que tout un chacun a des savoirs, a quelque chose à apprendre à autrui et a quelque chose à apprendre d'autrui. Oui, ça je trouve c'est un très bon slogan. Alors demain soir, donc mercredi 23 octobre, à partir de 17h30, vous allez organiser un café des solidarités, c'est-à-dire des brèves rencontres autour d'une table. C'est qui vous allez rencontrer autour de cette table? Alors donc ça donc pour rappel donc c'est une activité que nous avons proposée dans le cadre de la semaine européenne, la CEDEL. Et je dirais qu'elle répond un petit peu, elle illustre un petit peu les deux dans le thème, le sous-thème partager et participer. Donc, nous avons invité 9 initiatives, dont nous-mêmes, à se présenter. Donc, ça sera à chaque fois une demi-heure autour d'une table, donc de façon à la bonne franquette, un mm-hmm. petit peu informelle. Donc, des personnes viendront témoigner de leur engagement et voilà, à des personnes qui ont envie de connaître cette initiative, voire de s'y engager, quoi. Et donc, il y aura 3 fois 3 tables d'une demi-heure. Est-ce qu'on peut rappeler les initiatives qui seront présentes, les initiatives citoyennes présentes? Alors, je ne sais pas si je vais toutes les citer, mais donc parmi les initiatives présentes, il y en a certaines qui touchent plutôt plus précisément aux questions d'environnement, d'autres qui touchent plus les questions de lien social, et d'autres comme par exemple Etorbeek en transition, donc qui touche un petit peu aussi bien l'aspect social que l'aspect environnemental, parce que c'est aussi un peu une thématique qui sera développée dans la seconde partie de la soirée, c'est de faire davantage de liens entre le souci de l'autre et le souci de la planète. Alors, parmi les initiatives qui sont invitées, donc, il y a Etorbeek en transition, il y a le jardin et le verger collectif d'Etorbeek, il y a des écoles des devoirs, il y a des initiatives plus, je dirais, peut-être un peu plus officielles, comme la Zineke Parade, qui est aussi une initiative qui fait la part belle à un souci de recyclage, de récupération, mais aussi au souci de lien social, et le tout dans un projet culturel, voilà, qui est super chouette, et donc dans lesquels des habitants peuvent aussi s'impliquer. Alors, il y a une initiative qui me tient particulièrement à cœur, sur laquelle je voudrais dire un petit mot, donc qui s'appelle Amicaro, que le réseau a démarré avec une autre ASBL de Saint-Josse qui s'appelle L'Autre Lieu. Donc, Amicaro, ça veut dire l'ensemble des amis en espéranto. Mm-hmm. Et l'idée, c'est de mettre en lien une personne qui est en recherche de lien pour sortir d'une situation d'isolement avec une personne qui est prête à lui consacrer du temps régulièrement pour faire avec elle des activités, des activités agréables, fondées sur le plaisir partagé. Donc l'idée, c'est que des pairs se rencontrent pendant un certain temps, de façon régulière, et bénéficient d'un soutien de l'équipe d'Amicaro. Puisque dans les personnes qui sont demandeuses de liens, il peut y avoir des personnes qui ont différents types de fragilités, que ce soit des fragilités suite à un problème physique, que ce soit des fragilités suite à un parcours psychologique compliqué, ou tout simplement un problème de solitude, ça peut être des personnes primo-arrivantes. Et donc, voilà, le but est d'amener des personnes à reprendre, à se recréer, à créer ou recréer du lien social dans cette ville. Donc, c'est un projet que nous avons créé en nous inspirant d'un mouvement qui existe depuis une vingtaine d'années aux Pays-Bas, où ça s'appelle les Vriendendiensten, donc les services d'amitié, et qui, entre parenthèses, est également développé en région flamande sous le nom Buddywerking. Est-ce qu'on peut encore ajouter peut-être qu'Amicaro a son siège à rue Marie-Thérèse, rue Marie-Thérèse à Saint-Josse, oui, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. Oui. Il y a soit un site internet www.amicaro.be et il y a aussi un courriel, donc amicarobruxelles@gmail.com. Donc voilà, pour tous ceux qui sont à l'écoute, pour tous nos amis auditeurs qui souhaitent avoir plus d'infos, qui souhaitent participer et partager aussi leurs expériences, moi, personnellement, je vous invite à prendre contact avec Amicaro. Mais nous n'avons pas encore terminé avec Michel, parce que nous sommes à la première partie de la soirée de demain, à 8h, après le verre de l'amitié et bouffée, évidemment, durable, vous allez aussi avoir un débat. Oui. Sur les questions environnementales, sociales, et vous vous posez la question si elles sont concomitantes, antagonistes, complémentaires. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelle est ta position, ton opinion vis-à-vis de ça? Ma position, je dirais, c'est comme le réseau des champs de savoir est aussi impliqué dans les jardins collectifs, j'ai envie de dire, j'aime beaucoup la devise qui est prônée par la permaculture, donc qui est une méthode d'agriculture, d'agroécologie qu'on utilise dans certains jardins collectifs. Donc c'est prendre soin de la planète, prendre soin de l'humain et partager les richesses. Je pense que les trois aspects sont d'égale importance. Mais ce que je pense aussi, c'est que ce n'est pas toujours évident, parce que quand on parle, que qu'on parle de lien social ou qu'on parle de questions écologiques, je pense qu'on touche à des choses de l'intime et que ce n'est pas toujours évident, même si on parle d'alimentation, même si on parle de défi alimentation, même si on parle de slow food, ce sont toutes des choses auxquelles je souscris pleinement. Mais je pense que c'est pas toujours évident d'enclencher le dialogue, parce qu'on touche à des choses, profondes chez les personnes auxquelles on s'adresse. Et que parfois, on peut avoir, que l'on parle de lien social, que l'on parle de lien avec les personnes fragilisées, que l'on parle de soucis de l'environnement, on peut provoquer ce qu'on appelle des chocs culturels, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, heurter, même involontairement, des personnes dans des choses qui sont, de l'ordre de la peur, qui sont de l'ordre de, ou du référent culturel. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait appel à Dominique Nalpas, qui est quelqu'un qui est très actif dans la vie associative à Bruxelles, et qui a notamment développé un projet que je trouve magnifique, qui s'appelle Bouillon Malibran, qui justement fait le lien entre la richesse des savoirs culinaires d'un quartier extrêmement multiculturel qui est celui de la rue Malibran et de et des préoccupations écologiques de développement durable. Mais Dominique a aussi développé bien d'autres, est aussi actif dans bien d'autres projets, et donc j'ai pensé que c'était une personne ressource précieuse pour amener, je dirais, dans la nuance et à la fois des propos forts mais à la fois dans la nuance, cette question de savoir comment faire le lien entre le souci social et le souci écologique. Il me semble être un programme excellent pour demain soir, qui va commencer à 17h30. Donc, l'événement est gratuit, mais pour ceux qui souhaitent participer au buffet, pour raison typiquement de pratique et de gestion, donc il faut réserver. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez vous adresser à l'email adresse boule de savoir, boule au pluriel, @yahoo.fr, ou vous pouvez appeler au numéro 02 649 1598. Donc, réservation nécessaire pour les buffets. À l'espace Senghor, donc l'événement aura lieu à l'espace Senghor à 366 chaussée du Havre à Bruxelles. Je pense que tout le monde connaît un peu où il se trouve l'espace Senghor. Michel, est-ce que pour toi aussi, pour ton initiative citoyenne, il y a d'autres activités dans l'avenir proche, que tu souhaites déjà promouvoir à travers nos micros? Disons que si vous allez voir notamment sur le site amicaro.be, il y aura des soirées de présentation du projet. Il y aura également des soirées qui seront organisées autour d'un documentaire qui présente le parcours d'une personne qui a connu le sans-abrisme, notamment, qui a été sans-abri, et qui raconte comment il en est arrivé là et aussi comment il en est sorti. Donc c'est un très beau témoignage fort qui touche énormément des gens qui le voient. Je peux déjà dire qu'il y aura une projection de ce documentaire le 11 décembre au centre culturel de Ganshoren, qui s'appelle la Villa et qui se trouve place Guido Gezelle à Ganshoren. Et sinon, si vous allez sur le site amicaro.be, vous aurez des informations sur d'autres soirées qui sont prévues. Alors, je voudrais peut-être aussi vous rappeler un autre événement, Michel, qui est le marché exploratoire, donc la rue du Viaduc de la Maison Communale au Parlement européen. Donc, c'est une marche exploratoire qui ont été conçues par la coordination sociale d'Ixelles dans le cadre de la Semaine européenne de la démocratie locale et de l'année européenne des citoyens. Nous n'oublions pas que nous sommes encore dans l'année 2013, donc qui c'était l'année consacrée aux citoyens. Le but est de susciter une réflexion de tout un chacun sur la citoyenneté et la manière de l'exercer, tant sur le plan local qu'au niveau européen, en marchant de la maison communale d'Ixelles au Parlement européen. Donc je trouve que c'est une idée excellente, parce que parfois on pense, même ici à Bruxelles, parfois moi je suis étonnée que les institutions européennes sont loin du citoyen, mais en réalité, il suffit peut-être simplement de parcourir les petites ruelles ou les rues qui séparent la maison communale du Parlement européen. Et je vous souviens aussi que le Parlement européen se trouve toujours à Ixelles. Donc, moi, je suis contente donc, d'avoir commencé Bruxellando cette année en français. Donc, je voudrais encore remercier Véronique Loire qui était avec nous dans le début de l'émission. Merci, Véronique. Et Michel Bastin qui nous a raconté donc de l'apéritif solidaire que je vous rappelle aura lieu demain soir, le mercredi 23 octobre à l'espace Senghor à partir de 17h30. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous envoyer un courriel électronique à bouledesavoir@yahoo.fr ou appeler le 02 649 15 98. Et le tout est gratuit, donc il faut y aller. Grazie mille. Grazie mille. Cari amiche, cari amici, che serata! E questa è soltanto la prima puntata di Bruxellando e vedrete che sono tantissime le cose che, a cui già stiamo lavorando, gli ospiti ai quali stiamo pensando, le iniziative che organizzeremo anche quest'anno. Tra l'altro volevo ringraziare anche tutti quelli che mi hanno scritto, in particolare per l'intervista a Giuseppe Tornatore. Allora rispondo alla domanda, quella più corrente, che cosa hai pensato e quali sono state le tue emozioni? Beh, che cosa ho pensato? Uno, che avevo di fronte a me un premio Oscar, il che non mi era ancora capitato, possiamo dirlo, quindi regista premio Oscar. Due, che avevo comunque davanti a me una persona con una sensibilità straordinaria, ma anche molto, molto timida, riservata. Tornatore non mi è sembrato uno con una forte presunzione, anzi assolutamente con una grandissima e profonda umiltà. E poi, per quanti hanno ascoltato l'intervista, avrete potuto notare come le sue risposte siano state effettivamente ponderate parola dopo parola. Quindi ringrazio ancora l'Istituto Italiano di Cultura che ha dato a Bruxellando l'opportunità di questo incontro. Speriamo di poter continuare ancora ad offrire ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, alle amiche e agli amici che ormai ci seguono da anni e che continuano a farlo settimanalmente, di continuare a seguirci e di inviarci anche le loro opinioni. Non sembra vero, però è vero. E siamo al completo tutti quanti, un'altra volta tutti e quattro dopo 3 mesi. Bidibi bodibi boom! Direttamente dalla pioggia. C'è una pioggia scrosciante, meno male che siamo dentro, ma effettivamente è una pioggia alluvionale, si dice? Alluvionata, dai. Alluvionata? Alluvionata. Noi siamo degli alluvionati. Proveniamo dalla campagna belga ed è incredibile. D'altronde il fatto che siamo di nuovo in studio al completo necessitava di esserci. Anche il cielo si è commosso, quindi siamo tutti e quattro qui. Un battesimo. Sembra un temporale estivo, ragazzi. C'era oggi faceva caldissimo a Bruxelles, caldissimo nei tempi, cioè 18 gradi, 19 per Bruxelles, ottobre è incredibile, ed estate, e questo è un classico temporale estivo, scrosciante. Eh beh sì, effettivamente non è scrosciante di più. Allora, passiamo alla prossima telefonata, perché uno degli eventi, e poi daremo la parola alla nostra Imola, perché uno degli eventi, diciamo, importanti di questa settimana a Bruxelles è il Festival delle Libertà, che come sapete ormai è giunto alla sua 24esima edizione. E non fatevi ingannare, perché qui il Festival delle Libertà ha altre peculiarità e altre definizioni, tant'è che in tanti me l'hanno chiesto, soprattutto gli italiani, il Festival delle Libertà, mi guardavano con occhio un po' così per dirmi: ma Mari, dove vai? Torno complesso. Io dicevo: ragazzi, non vi preoccupate, non ci cambiate nulla, ma è un festival che è nato prima, infatti ha 24 anni, quindi voglio dire, è nato un po' prima di qualcun altro e che si occupa proprio di essere un'espressione del suo tempo, testimone di quelli che sono i diritti, le libertà, oggi probabilmente un po' più minacciate di quello che potevano essere 24 anni fa. Tra l'altro, come annunciato proprio qualche minuto fa, tra i temi di cui il festival si è occupato c'è stato proprio quello dell'alimentation durable, quindi insomma l'argomento ritorna. In attesa di parlare magari con uno dei responsabili, io direi che se la nostra Imola ci vuole raccontare un po' quali sono state le sue ultime letture, o forse solo una, perché tanto avremo modo di saperne altre, magari. Intanto, che cosa hai letto di bello, di particolare quest'estate? Oh, ho fatto proprio il pieno, nel senso, ho fatto per esempio il pieno di Hugh Nesbø, si direbbe il grande Nesbø. Il grande Nesbø. Ho letto ovviamente anche delle cose ungheresi, finalmente mi sono data alla letteratura ungherese, di cose non tradotte, di cui nella radio tanto non posso parlare. O piuttosto vi posso stuzzicare, ma è inutile. Dammi una parolina, questa sera abbiamo cominciato col francese, una parolina in ungherese, dai, una frase in ungherese per tutti gli ungheresi all'ascolto. Adesso mi metto. Che cosa li dico a questi poveri ungheresi che sono all'ascolto? Che purtroppo non puoi fare una trasmissione in ungherese perché gli italiani non capirebbero, però che ti piacerebbe molto. Nagyon sajnálom, hogy magyarul nem tarthatunk itten előadást. Sem pedig, ugye nem beszélhetünk sokat magyar könyvekről sem. De hát valahogy túléljük. Semmi baj. Semmi baj. Se solo avessi parlato più piano io avrei capito tutto. Beh, è la velocità. Che inganna sempre. Esatto, oh, giusto, la velocità, ungherese. Quella è se parlano lentamente si capisce, però loro parlano veloci, quindi insomma... Non ho nemmeno parlato capire. Veloce. Non meno serve. Male. Non girare il coltello nella piaga, grazie. Beh, però insomma è una cosa che ha fatto Imola. State a leggere un classico francese, uno dei classici francesi della fantascienza. Stiamo facendo il mio angolo? No, ora stiamo aspettando che Dani M ci dia un attimo una comunicazione e poi è tutto per te, è tutto l'angolo per te. A un attimo, in effetti Dani M, sapete che a volte è un po' arrivo. Veramente alla non so come fa, o è troppo chiaro o è troppo scuro, come mai secondo voi? Io vorrei proprio chiedergli un giorno gli devo chiedere, quando non siamo in diretta, anche se ora siamo in diretta, vorrei sapere come mai, se è o troppo chiaro o troppo scuro. Ed ecco quindi qui con noi Mathieu Bitlou, spero di averlo pronunciato bene. Mathieu, nous te souhaitons la bienvenue à Bruxellando, à Radio Alma. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Alma. Alors Mathieu, nous sommes en plein du Festival des Libertés qui a commencé en fait jeudi passé, le 17 octobre, et qui va se terminer le 26, donc samedi prochain. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont donc les thématiques clés pour l'édition de cette année? Alors cette année, nous avons décidé d'interroger sous toutes ses coutures la question de l'engagement. Nous avons intitulé le festival Les ressorts de l'engagement, et donc il s'agit de se demander, d'interroger ce qui détermine l'engagement, ce qui l'encourage, le favorise, le donne de l'ampleur, ou ce qui le freine, le dissuade, le réprime, d'une part, et d'autre part, d'interroger les formes d'engagement. Quelles sont les modalités d'action, les formes d'engagement les plus pertinentes, les plus porteuses, les plus susceptibles de faire évoluer le monde, de changer le monde vers, évidemment, un monde plus juste, plus solidaire, plus libre. Et voilà, ça c'est un peu la grande thématique générale qui se décline à travers une vingtaine de débats, des documentaires, des spectacles de théâtre et des concerts qui sont moins là pour réfléchir que pour donner l'énergie d'agir. Alors, à propos, par exemple, des spectacles, on peut dire pour nos auditeurs italiens que demain soir, il y aura Ascanio Celestini. Tout à fait, Ascanio Celestini qui est presque devenu un ami du festival puisque c'est la troisième fois que nous l'invitons. Cette année en plus il nous fait un spectacle presque sur mesure pour le festival en reprenant des histoires qu'il a écrites précédemment. Un spectacle qui s'appelle Il Piccolo Paese et donc c'est comme souvent dans les spectacles d'Ascanio Celestini, c'est toute une série de micro-contes, des petites fables, des petites histoires, des chansons par moments qui parle du monde d'aujourd'hui, de notre quotidien, de tout ce que nous subissons, de tout ce qui nous aliène. Et alors, je pense que Ascanio Celestini a décidé un peu de prendre comme point de départ le contre-pied de notre thématique, un petit contre-pied amical, puisque nous appelons cette année le festival à agir, à dire, bon, c'est bien de réfléchir, de parler, mais il faut maintenant interroger les ressorts de l'action et de l'engagement. Et Ascanio nous dit dans son spectacle, ce n'est pas vrai qu'il faut passer des paroles aux actes, parce que ce sont les paroles qui sont plus déterminantes et qui gouvernent le monde. Et donc, il va montrer le pouvoir des paroles à travers tout son spectacle, mais ce n'est pas pour autant un spectacle qui invite à l'inaction. Je ne pense pas que maintenant, lui, ce sera le cas. Et en fait, il y a beaucoup de temps dont vous allez continuer à parler encore demain. Donc, savoir engager et s'engager pour savoir. Ça s'est déjà passé, c'était vendredi. C'était vendredi, voilà. Parce qu'ici, avec les infos que j'ai, je n'ai pas par date, mais je vais voir de changer par date. Donc, moi, il y a contradiction de la pensée dominante, c'est jeudi. Ça, c'est jeudi après-midi, c'est une conférence d'Emmanuel Terré, qui est un anthropologue. Au départ, il a travaillé beaucoup sur l'Afrique, puis il s'est intéressé beaucoup à la question de l'immigration. Il a écrit des choses très, très pertinentes sur les sans-papiers, sur la liberté de circulation. Et maintenant, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle « Penser à droite ». Et il dit « Moi, j'ai observé, en tant qu'anthropologue, le comportement et la pensée de la tribu dans laquelle je vis depuis 50 ans, qui est le monde occidental, gouverné par une pensée de droite, et donc il essaye d'interroger les contradictions et en même temps la cohérence de la pensée de droite qui peut être à la fois très conservatrice sur des questions morales et puis très très libertaire sur des questions économiques par exemple, et il essaie de comprendre comment s'articulent ces différentes strates de la pensée de droite. Tandis que vendredi, il y aura un film grec, Democracia, The Way of the Cross. Un film évidemment d'actualité, puisqu'il il a été tourné au moment des dernières élections en Grèce, mais il montre toutes les dimensions de la crise que connaît la Grèce, la crise économique, la crise politique, la crise de la violence dans les rues, de la montée de l'extrême droite. Donc voilà, c'est un film d'actualité qui sera suivi d'ailleurs d'une petite rencontre avec le réalisateur et avec les intervenants qui vont parler de la question grecque, mais aussi de la question de l'austérité en général et des conséquences de la crise. Oui. Pour continuer avec les films, donc samedi, c'est la journée de clôture du festival. Donc il y a One Day After Peace, qui est en fait basé en Afrique du Sud. À 18h30, il y aura un autre film sur les bancs, donc It's All in Lebanon, pour clôturer à Nevers et Car, encore avec un autre film international, Fire in the Blood. Ouais. Alors, ils font partie du film, en fait, du film festival. Donc, est-ce qu'il y aura un prix? Est-ce qu'ils sont en fait en compétition, les films? Comment ça marche? Alors sur les 30 films que nous proposons cette année au public, il y en a 15 qui sont en compétition, et donc les lauréats de la compétition seront proclamés samedi à 21h avant le film Fire in the Blood. Et donc effectivement le jury du festival va remettre un prix au documentaire qui de par sa qualité, de par son propos et de par sa démarche investigatrice journalistique exprime le mieux les préoccupations du festival. C'est un prix qui consiste en une aide à la diffusion, puisqu'on finance une plus grande diffusion du film. C'est un peu un objectif du Festival des Libertés, c'est de faire connaître les documentaires qui ne passent pas souvent dans le cinéma ou sur les grandes chaînes de télévision. Donc nous voulons faire connaître les documentaires qui nous apprennent plein de choses sur le monde dans lequel nous vivons et qui nous invitent à être un peu plus critiques. Oui, non, tout à fait. Je trouve en fait que l'idée du festival est tout à fait excellente. Donc, pour nos amis auditeurs, le festival se déroule au Théâtre National, à Boulevard Émile Jacquenin. Et pour en savoir plus, ils peuvent, je pense, appeler... Oui, ainsi qu'au KVS, hein, au Théâtre Flamand, au KVS. Rue de Laken. Oui, à rue de Laken 146, donc au centre-ville. Pour les billets, pour les événements dont on vient de parler, ils peuvent s'adresser soit au Théâtre National, soit au KVS. Et où ils peuvent aussi téléphoner. Donc, ils sont ouverts du mardi au samedi, de 12h l'après-midi et jusqu'à 18h. Et vous pouvez aussi trouver toutes les informations sur notre site internet, hein, qui est festivaldeslibertés en un mot sans accent.be. En fait, oui, il y a tout l'agenda avec tous les différents événements qui sont encore en fait à voir d'ici samedi. Donc, Mathieu, nous te remercions pour ces moments avec nous, avec Bruxellando. Mais merci à vous, merci d'avoir parlé de notre festival et j'invite tous vos auditeurs à nous rejoindre. Il reste encore 4 jours hein, jusqu'à samedi. Donc, bienvenue. Oui, Mathieu, un grand merci et encore bonne chance, soit pour cette édition, soit pour la prochaine, parce que je pense que vous avez déjà des idées en place pour l'édition à venir. On réfléchit déjà à la prochaine édition, bien sûr. Donc, un bon festival à tout le monde et à Mathieu en particulier. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Eccoci, tornati. E quanto cominciamo. Si abbassa il diaframma facendo così o si alza, George? Dopo te lo dico, ma prima annuncio. Librangolo. Sembra fantozziano. Draculiano, mica fantozziano. Esatto, draculiano. Draculiano. Fantozzi era... Yes, sì, librangolo, se, se posso. Scusi, scusi. Concordo. Ecco, stasera, per cominciare, diciamo, piano piano, la nuova stagione di Librangolo, vi ho portato un libro un po' fantascientifico. E si tratta di un libro di fantascienza musicale. Francese, il che è già una particolarità, perché generalmente, secondo me, i francesi non sono molto conosciuti in questo campo. Si tratta di un libro di René Barjavel che si chiama La notte dei tempi ed è basata su un'idea che devo dire che stava ronzando anche per la mia testa, cioè l'idea che non è detto che noi siamo i primi uomini sulla Terra, magari abbiamo già sviluppato tutta una bella civilizzazione che abbiamo già fatto molto bene a distruggere, avremmo inventato qualche metodo, e in effetti René Barjavel gioca con quest'idea, facendo i suoi protagonisti ritrovare sotto il polo Sud? Sì, signora. Sotto il polo sud, una strana capsula d'oro in cui si trovano due persone in stato di ibernazione. E si riescono a svegliare una di queste persone che le racconta, cioè che poi risulta di essere di 900.000 anni prima. Un po' vecchietta, eh? Era giovincella. Lei aveva il sentimento di aver dormito soltanto una notte. Ecco. A cipicchia. Le bastava solo una notte. Ecco. E quindi René Barjavel racconta un po', da un lato, racconta dell'impatto che questa persona che si è svegliata ha sugli uomini in generale, cioè per esempio la sua presenza già scatta una cooperazione fra scienziati del mondo molto esemplare, molto bello, e attraverso questo esempio Barjavel sta anche mettendo, diciamo, il suo voto a favore di lasciare certe decisioni non necessariamente a politici o a vari poteri che eventualmente vorrebbero soltanto ottenere dei vantaggi dal possedere anche le tecnologie e le idee che provengono da una scoperta, ma di lasciarlo piuttosto ad una comunità ben bilanciata, che questo a me sembra piuttosto un sogno quasi impossibile da realizzare. Poi attraverso gli occhi di Elea, questa persona che viene dal passato, si conosce che il loro mondo è stato distrutto a causa di una guerra, e quindi in certo senso la sua storia e la distruzione di questa prima civiltà sulla Terra ha anche un grosso impatto, diciamo, sui giovani della Terra attuale, che rivendicano sempre di più di smetterla con le guerre inutili. Però dentro questa storia diciamo, moralistica, diciamo, c'è questo, diciamo, questo strato moralistico, diciamo, nel romanzo, poi c'è anche uno strato di una storia d'amore fra Elea e l'altra sua metà, che si chiamava Paikan nella storia. E diciamo, con questa storia però, io lo trovavo anche strano, cioè nel senso che è come se questa storia ripetesse un po' gli errori che facciamo in grande, e che quindi comunque a me pareva di trarre la conclusione che fondamentalmente alla fine non c'è speranza, perché individualmente, anche se abbiamo le buone intenzioni, si fanno spesso delle decisioni in base a rabbia che alla fine possono portare non soltanto a infelicità a livello di umanità, ma infelicità a livello personale. E quindi questa storia, per esempio, a me non sembrava molto esemplare, per dire il vero, anche se molti nel romanzo la loro storia piuttosto scatta alla reazione opposta. Ecco, una storia interessante, vi raccomando, secondo me vale la pena leggerla. Sì, Bajabel con questo libro praticamente ha trovato successo qualche anno fa ormai, non adesso. Qualche anno si misura in decenni? Sì, esattamente. Vabbè, il piacere della lettura è quella di poterla riscoprire. Sì. Ogni qualvolta, insomma, ce ne viene data la possibilità. Quindi... Però è veramente un libro molto, molto bello, molto, insomma, appassionante, devo dire che sì, appassionante e meritata la fama di Bajabel, anche se ho trovato qualche... Come si chiama proprio anch'io. Lui? René Bajabel. Scritto come Bajabel. Cioè... Bar come bar e Javel come l'eau de Javel. Quindi bar Javel. Infatti è il bar della... È il bar della candeggina. Bar della candeggina. Puliscono il bar con la candeggina. Potrebbe essere. Questo insomma, sarebbe giusto. Anche se ogni volta che parlo di bar non c'è niente da fare. A me viene in mente uno dei miei autori preferiti. Sì. Bolognese. Solo lui. Solo lui. Sotto il mare. Vabbè, ho capito. Bar sotto il mare, bar sport, eccetera, eccetera. E il grande personaggio è che ha tolto il nome alle donne, che è la Luisona. Luisona per me non è più una donna grossa, è semplicemente un oggetto. È la zona di Luisi, infatti. No, Luisona è la grande pasta. Chissà se il nostro regista si ricorda della Luisona. Come no che mi ricordo la visione di Bar Sport di Stefano Ben. Oh, io giocavo sulla parola, non so chi era, perché ti ho detto non la posso concepire così. Non la posso concepire più come una donna, è una pasta. Anzi, era una pasta che aveva avuto persino diritto al nome. Allora, noi siamo al termine, di questa prima puntata, vedi? Io lo so che vi siamo mancati, quindi siamo nuovamente qui tutti i martedì, quindi ci rivediamo. Martedì prossimo, quindi il 29 ottobre, ci sarà un ospite teatrale, quindi ci racconterà di tante cose in programma, quindi ritorna a Brussellando il teatro. Ringrazio la nostra Imola, che trova sempre veramente suggerimenti di... Non so come faccia veramente a scovare tutte queste perle rare. Ve lo dico, stavolta era un'amica che ha raccomandato questo libro, anzi un'amica di Roberto. Beh, che possiamo anche salutare. Ciao! Chi salutiamo, Roberto o l'amica? Salutiamo l'amica, quindi si chiama Luisona. No, non si chiama assolutamente Luisona. No, la chiamo, infatti, mica no. Si chiama lei. Ringraziamo il nostro Giorgio.